only, and I say only, a united Africa functioning under a union government can forcefully mobilize the material and moral resources of our separate countries and apply these efficiently and energetically to bring a rapid change in the conditions of our people. If we do not approach the problem in Africa with a common front and a common purpose, we shall be haggling and wrangling among ourselves until we are colonized again and become the tools of a far greater colonialism than you have suffered hitherto. It's obvious. It's happening today. Unite, we must, without necessarily sacrificing our sovereignties, big or small. We can here and now forge a political union based on defense, foreign affairs and diplomacy, on a common citizenship, an African currency, an African monetary zone, and an African central bank. We must. We've got to unite in order to achieve the full liberation of our continent. We need a common defense with an African high command to ensure the stability and security of Africa. We have been charged with this sacred task by our people. We cannot betray their trust by failing them. We will be mocking the hopes of our people if we show the slightest hesitation or delay in tackling realistically this question of African unity. Seulement, et je dis seulement, une Afrique unie, fonctionnant sous un gouvernement d'union, pourra mobiliser vigoureusement les ressources morales et matérielles de chaque pays et le faire de façon efficace et énergique afin de changer rapidement les conditions de vie de nos peuples. Si nous n'abordons pas ces problèmes en Afrique en constituant un front commun avec un objectif commun, nous allons marchander entre nous et semer la confusion jusqu'à ce que nous soyons colonisés à nouveau et nous serons alors en proie à un colonialisme encore plus dur que celui dont nous avons souffert. C'est évident, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Unis, nous devons l'être, sans nécessairement sacrifier nos souverainetés, grandes ou petites. Nous pouvons ici et maintenant forger une union politique basée sur la défense, les affaires étrangères et la diplomatie, sur une citoyenneté commune, une monnaie africaine, une zone monétaire et une banque centrale africaine. Nous le devons. Nous devons nous unir afin de réaliser la libération totale de notre continent. Nous avons besoin d'un système de défense commun avec un haut commandement africain pour assurer la stabilité et la sécurité de l'Afrique. Nous avons été chargés de cette tâche sacrée par nos peuples. Nous ne pouvons pas trahir leur confiance en les trompant. Nous nous jouerions des espoirs de nos peuples si nous faisions preuve de la moindre hésitation, si nous tardions à nous attaquer de façon réaliste à cette question de l'unité africaine. Nous achèverons ce florilège d'intervention par celle d'Ahmed Ben Bella, qui préside aux destinées de l'Algérie depuis quelques mois seulement en tant que Premier ministre. Il ne sera élu président de la République que quelques mois plus tard, en septembre 1963. Ahmed Ben Bella.